Chapitre 16e. Marie d'Angleterre, reine de France. 1. Le roi Louis XII. Cette histoire nous rappelle un roman de Balzac intitulé « À combien l'amour revient au vieillard ». Louis XII, qui s'était acquis une réputation de sagesse, eut sur le retard de sa vie un caprice qui lui coûta cher. Mais quel caprice insensé! Veuf d'Anne de Bretagne, il songea à 53 ans à épouser une jeune princesse dont on lui avait vanté la beauté, mais dont on avait naturellement passé la coquetterie sous silence. Encore s'il avait été vert galant, mais il était atteint, au contraire, de toutes les infirmités d'une vieillesse précoce. C'était un vieillard impotent, épuisé, bon tout au plus à donner des signatures. Ce bon Louis le XII, ayant traité de la paix avec le roi Henri VII d'Angleterre, mit pour condition que celui-ci lui accorderait la main de sa fille Marie. Il offrit même, tant il était pressé de lever toute difficulté, de constituer à cette princesse une dot de 400 000 écus. Henri VII accepta avec empressement. Marie, née en 1497, avait alors 17 ans. Les mémoires du temps disent qu'elle était belle, d'un esprit vif et spirituel et fort coquette. Comme l'esprit vient de bonheur aux princesses, elle avait depuis plusieurs années pour amant un jeune gentilhomme nommé Charles Brandon, condisciple et favori d'Henri VII, qui favorisait ses amours et qui, pensant en faire le mari de sa sœur, l'avait fait duc de Suffolk. La nouvelle de ce mariage était de nature à désoler le duc, mais sa maîtresse l'en consola en lui expliquant que son mari ne pouvait être pour lui un rival sérieux et en le faisant nommer ambassadeur à la cour de France. Tout le monde savait la faveur dont jouissait le duc de Suffolk et sa mission en France n'était un mystère pour personne, excepté peut-être pour Louis XII. La princesse et l'ambassadeur arrivèrent à Boulogne. Ils furent reçus avec une pompe dont la magnificence ravit tout d'abord la princesse. Le comte d'Angoulême, qui fut plus tard François Ier, fut ravi de sa beauté et n'attendit pas davantage pour l'exprimer son admiration. Le roi s'était rendu à Abbeville, où le mariage fut célébré le 9 octobre 1514. On disait à la cour qu'il avait pris une jeune guilledrine qui bientôt le mènerait en paradis tout droit. Mais cependant on ne raillait point trop haut, car, si nous en croyons Brantôme, le roi n'aimait pas que l'on médit des dames. Il pardonnait, dit-il, à tous les comédiens de son royaume, comme écoliers et clercs de palais en leur basoge de quiconque qu'il parlerait, fort de la reine sa femme et de ses dames et demoiselles, encore qu'il fût bon compagnon en son temps et qu'il aimât bien les dames autant que les autres, tenant en cela, mais non de la mauvaise langue, ni de la grande présomption ni vanterie du duc Louis d'Orléans son aïeul. Mais cela n'empêchait point de rire sous cape et ne décourageait point le galant comte d'Angoulême dans ses assiduités. On se racontait comment le roi s'était astreint à un régime qui devait ranimer ses forces éteintes. On plaisantait sur la consommation exagérée qu'il faisait de truffes et d'épices excitantes. Il ne quittait plus ses médecins et consultait tous les charlatans qui prétendaient avoir trouvé l'adjuvance. Mais par une contradiction étrange de la nature, il semblait paralysé par l'excès même de ses désirs et sa santé s'altérait visiblement de jour en jour. Il avait oublié une de ses maximes favorites. L'amour, disait-il, est le roi des jeunes gens et le tyran des vieillards. Il affectait une vigueur qu'il n'avait plus, dit Brantôme, et voulait faire du gentil compagnon avec sa jeune femme, mais il n'était plus homme à ce faire. Au contraire, la jeune reine n'avait jamais été d'une plus éclatante beauté. Louis devait, dans les bals, dans les fêtes qui se succédaient sans interruption à la cour, l'abandonner à ses adorateurs. Il perdait les jambes et le souffle à vouloir la suivre. À la chasse, à la promenade, elle était accompagnée par le jeune comte d'Angoulême, et déjà le caractère entreprenant du prince avait réussi à inspirer de légitimes inquiétudes au duc de Suffolk. « Pardieu, monseigneur, lui disait Grignot, ancien garde d'honneur de la reine Anne, donnez-vous bien de garde. Vous jouez à vous donner un maître, et il ne faut qu'un accident pour que vous restiez comte d'Angoulême toute votre vie. » On eût fait honneur de l'accident à la vertu des truffes, et la France n'eût pas eu François Ier. À quoi tiennent les destinées d'une dynastie et d'une grande nation? La galanterie allait si bien qu'il fallut que la mère de François tansa vertement son fils et le rappela à la raison, tandis que d'un autre côté, la reine était gardée à vue nuit et jour. La princesse Claude ne la quittait plus et la baronne d'Aumont couchait avec elle. Ces intrigues et cette surveillance étaient inconnues du roi, qui se croyait toujours sur le point de devenir le plus heureux des hommes. Cependant, quelques mois suffirent à épuiser ces belles illusions du vieillard, et les droits à la couronne du comte d'Angoulême ne coururent plus aucun danger. Louis XII s'éteignit rapidement et se vit mourir, plus triste d'abandonner l'objet de sa dernière passion que tous les biens de la puissance royale. « Ah, mamie, lui disait-il, je m'en vais mourir, et plût à Dieu que vous me tinssiez compagnie et que vous et moi allassions ensemble en l'autre monde. Ma mort ne me serait pas si odieuse, et la prendrait plus en gré. » Vœu charitable que Marie n'était pas prête à exaucer, comme fit la femme d'Admète, roi de Thessalie, qui, ayant su par l'oracle que son mari devait mourir bientôt si sa vie n'était pas rachetée par la mort d'un de ses proches, se dévoua et se donna la mort. De tels exemples ne se voient plus même aux Indes. Cette jalousie de moribond nous rappelle une autre anecdote, la mort du brave Tancrède, qui, tout au contraire, étant sur le point de mourir et voyant à son chevet sa femme en pleurs et son ami le comte de Tripoli, les prit à tous deux de s'épouser après sa mort, ce qu'ils firent. La femme de ce vaillant Tancrède était fille naturelle de la comtesse d'Anjou et du roi Philippe de France. Mais laissons ces digressions. Le roi Louis XII mourut le 1er janvier 1515. 3 mois plus tard, Marie épousa en secret le duc de Suffolk à Paris, puis de retour en Angleterre, après le temps de deuil exigé par l'usage, célébra son mariage publiquement. Elle mourut à Londres à l'âge de 37 ans.